Ah. Claudine pleure plus, maman ne pleure plus. Stéphane, François, pleurez plus. Tous les autres restent au pays, pleurez plus, le combat continue. La mort, c'est la mort, tous les grains périssent, tous les grains pourrissent. Mais y'en a qui germent, t'en feras partie. T'inquiète pas, Freddy, tout petit, non, car grande était tes envies. Ce monde voulait qu'on subisse galère, honte, expulsion, séparation. La mère d'un côté, le frère d'un côté, et l'autre frère de l'autre côté. La sœur d'un côté, toi d'un côté, et moi cherchant de côté. De mon côté, c'était le fossé. J'ai cherché l'or, poussé les murs, mais comme à l'école, j'avais rien foutu. Comment faire pour des mères qui a donné tant d'amour? Voilà le drame, j'ai mal au crâne, j'ai mal aux larmes. La rue chante, les anges pleurent pour déposer les armes. J'attends un ange au pied de l'arbre, des vautours. À part les chats, je connais peu de monde qui connaissent l'art du retour. Appréhender les miens, t'as vu mon crew, mon poids, mon palmarès. Freddy Carr, mon poteau de Palm Beach à Bucarest. Mais c'est pas bien sûr qu'on a même fait bouger les Alsaciens. De 21, on passe à 20, regarde, c'est comme les Dalmatiens. Est-ce que je te lève mon verre, frère, de l'intégrale possi au club des 7 de Seine-Saint-Denis à Orléans, Stalingrad. Au bout du monde, tu as toujours porté 3 lettres, dont tu étais le ciment. Est-ce que je te lève mon verre avec une lame de champagne, mon sourire et tous mes sentiments? Je suis l'ami. Il pleut ta tristesse sur Paris. Freddy, putain, je trouve pas les mots, ça me fait trop zarbi. Ton speed légendaire, ton sourire, ta gentillesse. T'as trop, c'est peu, mais je prie pour toi avec tous caisses. FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi. FK pour toi, FK pour toi. Ce sera plus jamais la même. Dans la vie comme sur scène, tu nous manqueras, mais on gardera près de nous quoi qu'il advienne. T'es parti sans que je te dise merci. Tu me disais que la vie est longue, mais t'es parti trop de speed. Ça faisait un bail qu'on s'était pas donné de nouvelles, mais aujourd'hui j'apprends la bien triste nouvelle. Tu n'es plus parmi nous, mais dans nos cœurs tu flamboies. Ton souvenir en nous à jamais restera. Trop de blême, mon cœur sec, mes larmes coulent. Maintenant je veux un moment de silence pour un frère qui est parti trop en avance. Pas besoin de dire, ce sera dur sans toi. Penser au futur sans toi, repose en paix. Des mots qui pleurent, des larmes qui parlent, mélodie funèbre pour un nouveau départ. Freddy Carr, t'es en paix, tu connais la fin du combat. Parfois le silence vaut mille mots, alors on se tait en essayant de rester fort. Comme ton frange à Kesto. FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi, FK pour toi. Te dire, tu m'as laissé que des bons souvenirs. Mais la dure réalité fait souffrir. Toujours debout, ambitieux, voilà ce que t'étais à mes yeux. Freddy K, tu vas manquer, repose en paix parmi les dieux. Oh Freddy, il est si difficile d'y croire. J'entends toujours ton rire. Tu es l'une des rares personnes qui avait toujours le sourire. Oh Freddy, nous te regretterons toujours. Dans nos cœurs, tu vis. Habitué à ce que cela n'arrive pas, tout choqué, car nous ne verrons plus l'empreinte de tes pas. L'amertume sur tout le reste prend le pas. Y'a ces choses dans la vie qu'on comprend.